Vendredi, le Palais des sciences et techniques à Pyongyang a abrité le service de clôture de la 15e exposition nationale des inventions et nouvelles techniques. Y ont pris part le vice-premier ministre Chun Kwang-ho et autres cadres intéressés, les scientifiques, techniciens et inventeurs. Lors du service ont été publiés les résultats du jury. Plus de 80 personnes ont reçu les médailles d'or et les médailles d'inventeurs et diplômes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les coupes, médailles, diplômes et primes ont été remis aux meilleures unités d'activité, scientifiques, techniciens et travailleurs.